Deuxième partie. Guy Martin prépare sa voiture. N'oublie pas de faire de la place pour le panier en osier. Quel panier en osier? J'ai fait des sandwichs pour pouvoir pique-niquer en cours de route. Si on ne peut pas le prendre, on le laissera. Quand je pense au mal que je me suis donné, ça ne valait vraiment pas la peine. Allons, va chercher ton fameux panier. Cours! Et tu me demandes de courir par-dessus le marché. Mais non, c'est une façon de parler. Voilà Paul et Luc. Allons, vite, courez. Guy s'impatiente, comme d'habitude. C'est toi qui t'impatientes. Nous ne sommes pas en retard. Il est 10 heures à ma montre. Nous arriverons à quelle heure? Dans 4 heures environ. Marie-Claire veut pique-niquer en cours de route.